24. Planet Rap. C'est l'émission rap de référence. 20h-21h. Ce soir, Planet Rap Ice MC. Planet Rap, bonsoir, bienvenue à vous tous. Le Planet Rap avec Ice MC, sans Ice MC depuis hier. On vous le disait dans Planet Rap, Ice MC est en garde à vue. Juste avant de présenter un petit peu les invités qui sont là autour de nous dans le Planet Rap, nous avons l'avocate d'Ice MC en ligne, Maître Mathy. Bonsoir Maître. Oui, bonsoir. Bienvenue, on a besoin d'avoir un petit peu des explications. C'était sa semaine dans Planet Rap. Il était censé être là en direct tous les soirs entre 20h et 21h. On a appris hier donc cette mauvaise nouvelle, garde à vue. À l'heure d'aujourd'hui à 19h54, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut juste confirmer effectivement son placement en garde à vue, dire qu'il a été prolongé il y a quelques minutes. Pour le reste, vous comprenez que je suis tenue au secret, l'enquête est en cours. Donc je peux guère en dire plus malheureusement. D'accord, donc c'est une garde à vue qui a été décidée depuis hier, qui va se prolonger, on sait à peu près combien de temps. Normalement c'est quoi, 48 heures, ça peut aller plus loin? Honnêtement, il vient de faire 24 heures de garde à vue, je pense qu'elle va être prolongée de quelques heures. Quelques heures et peut-être qu'on aura la chance de l'avoir en direct au micro demain. Je pense, oui. Normalement demain ça devrait être bon pour conclure la semaine avec lui. A priori, oui, ça devrait être le cas. Bon, en tout cas, vous êtes mobilisé, Maître Mathy, merci d'être là avec nous. Et c'est vrai qu'on comprend qu'il y a une procédure, qu'on ne peut pas s'exprimer sur tout. Même d'ailleurs, demain, je ne suis pas sûr qu'il puisse s'exprimer lui aussi sur ce qui lui arrive. S'il le souhaite, il pourra toujours le faire, ça te concerne. En tout cas, moi, à ma place d'avocat, malheureusement, je ne peux pas en dire plus. D'accord, donc juste là, dire que c'est prolongé depuis quelques minutes. Depuis quelques minutes, absolument. D'accord, bah merci d'avoir été avec nous. En tout cas, Maître Mathy, on espère que ça va aller... d'une manière un peu plus rapide pour la sortie d'Ice MC. Je le souhaite de tout cœur. Pour qu'il puisse profiter de la sortie de son album. C'est demain en plus, l'heure des rois. Donc on espère. Parce que vous n'avez pas fait un freestyle, non? On ne veut pas vous prendre pour faire un freestyle dans l'émission, Maître Mathy. Non, j'ai très très mauvaise. vous n'avez pas nous lâcher un 16, non? C'est pas possible. Hein. Oui, attends, on me pose une question qui arrive là directement dans mon oreille. Est-ce que vous l'avez vu, vous, Ice MC? Oui, je l'ai vu tout à l'heure aux environs de 17h, il va très bien. Voilà, il aurait voulu être parmi vous ce soir, malheureusement. Donc, bon. Ouais, dans quel état d'esprit il est? Parce qu'en plus, comme il est en pleine promo pour la sortie de l'album. Écoutez, vraiment, il aurait voulu être là ce soir. Il m'a demandé de tout faire pour faire en sorte que ce soit le cas. Malheureusement, c'est pas en mon pouvoir. Le parquet a décidé d'une prolongation. Mais vraiment, il était très embêté de ne pas être là ce soir. D'accord, donc vous l'avez vu, il va plutôt bien, il est plutôt en forme, il est plutôt combatif. Oui, il n'est pas du tout inquiet. Simplement, son absence ce soir le gêne énormément. Ouais, et ben nous aussi, en même temps. Je comprends. Nous aussi. Bon, ben merci d'avoir été avec nous, en tout cas. Je vous en prie. Maître Mathy dans l'émission ce soir dans le Planet Rap. Et puis, si vous le voyez, vous allez retourner le voir là prochainement. Comment ça se passe tout à l'heure ou alors demain matin. Ouais, dans le cas d'une procédure, vous avez le droit d'y aller régulièrement, d'être présent. Ben, j'ai le droit de le voir à la première heure et lors d'une prolongation. Donc, comme il est prolongé, j'irai le voir soit ce soir ou demain. Bon, ben dès que vous pouvez, vous nous donner des nouvelles. Vous le saluez de la part aussi de. Ben, il y a tout le XV Barbare qui est là, son collectif aussi. Qui lui apporte de la force, tous les auditeurs de Skyrock qui sont mobilisés, qui envoient des messages avec le hashtag, même si pour l'instant il sert pas à grand chose, mais il y a un hashtag qui est libéré Ice, hein, qui a été envoyé sur les réseaux sociaux. Donc voilà, beaucoup de monde pense à lui et nous aussi, et puis on l'attend demain pour la sortie de l'album, puisque c'est demain la sortie. Écoutez, je transmettrai. Merci Maître Mathy d'avoir été avec nous dans Planet Rap ce soir. Bonne soirée. Ouais, bonne soirée aussi et bon courage à vous. Le Planet Rap, donc je le disais, sans Ice MC mais avec le XV Barbare, messieurs. Ça va, tout le monde est en pleine forme? Ça va, très bien. On va bien mettre les casques. Très bien, comme ça on va pouvoir s'exprimer. Si. Bon, je suppose que tout le monde est un petit peu emmerdé avec cette histoire de Ice. Ouais, c'est un peu l'impro. C'est les aléas de la vie, ça arrive. Bon, on va parler un petit peu du collectif, justement, du XV Barbare, des différentes sorties aussi pour vous. Mm-hmm. Il y aura un freestyle avec vous aussi, je suppose? Ouais, peut-être, ouais, tu connais. Justement, c'est pour ça. Bah ouais. Et on débute avec un son de Ice MC maintenant, c'est Millionnaire tout de suite sur Skyrock, c'est parti. Aïe. L'heure des rois. 4 septembre. Elle est plutôt mignonnette, mignonnette, mignonnette. Elle a plus d'une marionnette, marionnette, marionnette. Elle est plutôt visionnaire, visionnaire, visionnaire. Elle recherche un millionnaire, millionnaire, millionnaire. Oh bitch I don't care, bitch I don't care. Lâche mon don't care, par la taille à ton père. Bitch I don't care, bitch I don't care. Lâche mon don't care, par la taille à ton père. Elle recherche un millionnaire, une dot à un millionnette. Elle a fait des kilomètres pour faire de lui sa marionnette. Elle aime les bico malhonnêtes, les suppléments mayonnaise, le veuf clico la monnaie. Elle fait monter le baromètre. Très souvent ivre d'après ce que j'entends. Cette pétaille s'arrive toujours dans le carré VIP en chantant. Oh là, moi c'est Ice, le boss enchanté. Tu dis ne pas me connaître mais tu fais semblant. Argent, gloire et beauté, elle veut me ligoter. Elle ne mérite pas mieux qu'un hôtel miteur rugoté. Elle peut pas chipoter, elle sait que je suis coté. Tu rêves de te faire un blaze à travers mon épopée. Poupée, bitch I don't care. Bitch, bitch, I don't care. Lâche mon don't père, sois la taille à ton père. Bitch, bitch, I don't care. Bitch, I don't care. Lâche mon don't père, sois la taille à ton père. Elle recherche un millionnaire, millionnaire, millionnaire. Elle recherche un millionnaire, millionnaire, millionnaire. Elle recherche un millionnaire, millionnaire, millionnaire, millionnaire. Elle boit comme un homme, elle fait l'amour comme une femme. Une fois qu'elle a vidé ton magnum, elle prend la vie comme une fable. Champagne en fontaine pour madame, reconnue dans tous les clubs et les grands hôtels de Marseille à Paname. Tu cèdes à ses petits caprices, ses talents de petite actrice. Elle te laisse une cicatrice ou te ramène en psychiatrie. Elle recherche un millionnaire, toi t'es juste une marionnette qu'elle emmène chez Marionneau, qu'elle mène à la baïonnette. Tu sais plus sur quel pied danser depuis que t'es devenu son bolos. Elle attend que tu te fasses péter pour péter les clés du gamos. Coupé, le genre femme à redouter. Tu rêves de faire un blaze à travers mon épopée. Bitch, I don't care. Bitch, I don't care. Lâche mon don't care. Sois la taille à ton père. Bitch, I don't care. Bitch, I don't care. Lâche mon don't care. Sois la taille à ton père. Elle recherche un millionnaire, millionnaire, millionnaire. Elle recherche un millionnaire, millionnaire, millionnaire. Elle recherche un millionnaire, millionnaire, millionnaire, millionnaire, millionnaire, millionnaire, millionnaire. Bitch, I don't care. Bitch, I don't care. Lâche mon don't care. Sois la taille à ton père. Bitch, I don't care. Bitch, I don't care. Lâche mon don't père. Sois la taille à ton père. Elle recherche un millionnaire, millionnaire, millionnaire. Elle recherche un millionnaire, millionnaire, millionnaire. Elle recherche un millionnaire, millionnaire, millionnaire, millionnaire, millionnaire, millionnaire, millionnaire. C'est Ice MC, Lord des Rois. L'album sort demain avec le morceau Millionnaire. Ice MC qui ne sera donc pas encore avec nous ce soir. Peut-être demain, on l'espère en tout cas demain, entre 20h et 21h. Le XV Barbare par contre est là et bien là. Collectif nombreux, hein, le XV Barbare. Nombreux. Vous êtes combien entre vous les gars dans le XV Barbare? Est-ce que ça a augmenté depuis la dernière fois, depuis non, la sortie? Non, du tout, on est 8. Hein. 8? Ouais, on est 8. Donc collectif qui vient du 17e arrondissement. Ouais. Qui existe depuis combien de temps à peu près? Depuis. Ouais, il s'est officialisé, on va dire. Ouais. 3 piges. Ouais, on va dire ça fait 3 ans, mais tu connais, on rappe ensemble depuis qu'on est tout petit, tu vois. Mmh. C'est un truc qui s'est fait naturellement. Donc vous venez du quartier du 17ème, on le disait un petit peu, voilà. Avec Ice MC, le côté La Fourche. Fourche, Porte-Saint-Ouen. Porte-Saint-Ouen. Porte de Clichy. Brochamps. Brochamps, rue Godet, rue de la Jonquière. Tu vois, c'est toute la zone. Donc il y a du potentiel. Ouais. Et il y a aussi la sortie d'un projet aussi pour vous prochainement, les gars. Là, ça bosse dur. En fin d'année, ça bosse là. Là, on va vous envoyer du lourd. Ils sont pas prêts. Bon, et puis en attendant, on vous retrouve aussi sur l'album Lord des Rois. Hein. Vous êtes sur un morceau avec PSO Thug. PSO Thug et Crane Max qui est là. Qu'on pourra d'ailleurs. Crane Max, il est là, mon gars, tu connais toujours. Crane Max qui arrive très très lourd. Très très lourd bientôt, lui aussi, il bosse dur. Tu vois, il y a des gens, ils sont quartier, voilà, ils sont. Ouais. Ils ont pris du recul un peu, mais qu'ils arrivent très très lourd. Tu vois, on n'est pas les seuls. Il y a du talent. Il y a des mecs qui sont très très chauds. Tu vois, qui ont la dalle. Il y a Abîme. Voilà, il y a Abîme, il y a Agrume, il y a du talent. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que c'est aussi important d'avoir quelqu'un comme Ice MC qui vous pousse, qui met aussi en lumière, parce que c'est un peu le grand frère, tu vois. Mmh. C'est un peu le grand frère. C'est lui qui nous a montré le chemin, on va dire. Parce que je veux dire, c'est lui qui, après, voilà, nous, il nous a entrouvert la porte, nous, on l'a défoncé, tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Ou même par la fenêtre. Certains sont rentrés par la fenêtre. Ah ouais, on rentre de partout, nous. Même par la cheminée, si tu veux la cheminée. On vient prendre tous les cadeaux, tu vois. Il y a des Pères Noël dans le XB Barbare. Sauf que nous, on met pas les cadeaux. Vous venez les choper, en fait. Ouais, on les prend. Bon, on écoutera, on remettra le morceau qu'on a passé hier, Walking Dead, d'ici quelques minutes. Il y a aussi un freestyle de prévu avec l'équipe. Ouais, on va voir. On va voir, ça dépend de l'humeur, tu connais. Si, on va envoyer un freestyle si tu connais. On va voilà, pour ça, comme d'hab, tu connais Barbarie. Pour casser les différents murs là où se retrouve Ice MC, peut-être qu'il entendra aussi le freestyle. Il va on espère que tu nous entends, mon gars. Ça, c'est pas sûr. C'est pas sûr. c'est peut-être pas sûr. Bon, on écoutera en tout cas pour tout le monde le gros freestyle de XV Barbare. On mettra un morceau dans un instant. Et là, on met le son de The Weeknd sur Skyrock. Le morceau, c'est The Hills. You out the friend zone, 'cause you look even better than the photos. I can't find your house, send me the info. Driving through the gated residential, found out I was coming, sent your friends home. Keep on trying to hide it, but your friends know. I only call you when it's high. That's a real me, yeah. I only call you when it's half bad. I'ma let you know and keep it simple. Trying to keep it up don't seem so simple. I just fucked two bitches before I saw you, and you gon' have to do it at my tempo. Always try to send me off to rehab. Drugs started feeling like it's decaf. I'm just trying to live life for the moment, and all these motherfuckers wanna Planète Rap avec le son de The Weeknd, The Hills dans Planète Rap. Planète Rap avec Ice MC, sans Ice MC ce soir encore, qu'on espère retrouver demain au micro entre 20 et 21. L'album L'Heure des Rois, je vous le montre aussi pour ceux qui ont la vidéo sur skyrock.fm, pour l'application, sur l'application aussi Skyrock, il y a une box collector exclusivement à la Fnac avec le polo triangle d'or. Il est pour vous évidemment, l'album L'Heure des Rois, ce sera à choper pour les premiers qui se rendront à la Fnac évidemment. Sinon le projet toujours en précommande, ça marche fort en plus pour le projet d'Ice MC. On aurait bien aimé en parler encore une fois de plus avec lui ce soir. Le XV Barbare, et là je crois qu'il y a aussi une exclue du XV Barbare, si je me trompe pas. Je pense qu'on va vous faire une petite exclue ce soir, suite avec Crâne Max. Voilà, pour se faire pardonner un peu pour le, par rapport au public, hein, de l'absence de Ice. En même temps, le pauvre, il peut pas grand chose là. Hein. Ouais. Donc, c'est quoi le morceau? Bah, c'est un son qui s'appelle Machiavelli. Mmh. Tu vois, c'est un truc très très lourd qui va être sur le projet de Crâne Max. Qui est dessus, tu vois, qui est aussi sur Walking Dead. Ouais, qui fait partie aussi des gens qui rappent sur Walking Dead. C'est un featuring de Crâne Max XV Barbare. Et voilà. Hein. Ouais, on pourra l'écouter donc dans un instant. Ne bougez pas. Titre en exclu. Juste avant, on met un morceau de L'Heure des Rois. L'album qui sort demain, c'est un morceau qui s'appelle Calimera qu'on découvre maintenant en exclu. J'ai l'impression que tout cela n'est qu'une carapace, monsieur Iceless. J'ai l'impression que derrière tout ça se cache une souffrance. Eh vas-y, nique ta mère, cousin. Je suis avec ma nigga champagne. Brutalité, tu mental, boom et James. On distribue les salaires et les châtaignes. Ton cadavre à la tyrolienne. Tu veux que je rentre en Algérie, je baisse ta mère dans le charter. J'ai crié ta ISP pour qu'elle revienne. Petit éloigne-toi, je tape dans les trentenaires. J'essaie de m'approcher sans faire fuir le lièvre. Wesh Pico, tu rappes du Djibouti. Tout le monde sait que t'es Jeanne, tu parles de gros budget. La dernière fois que j'ai vu dire, on s'en est fait trois, crois-moi, c'était pas au hippie budget. Calimera, je viens de sortir de ma coquille Calimero. Crois-moi, Nino, mentalité Luther King. Dans le parking, pas de Panamera, y'avait pas le dinero. Mets ton Lambruglio, j'sors du ring, des traces de corps sur le dos. Prends la pure à Rio, on a fait pas pas le dinero, je voulais le salaire de Ronaldinho. Prends ton bif amigo, tu veux vivre mal amigos, mais la juste hagar à huis clos. Je suis né dans le barrio, je suis né dans le barrio, je suis né dans le barrio. 600 flashs dans les yeux par showcase. Je vois des étoiles, je bois du Jack au miel. Dans mon X c'est barbare, c'est Uncharted. Ton rappeur préféré fini Alien. Uzi chrome et bandana, t'es à le MS-13. X-Pack, ton cadavre à la ferroviaire. Je vais sortir le bourbier poquito undo stress. J'ai vu le jour au cœur d'une source pétrolière. Bingo, je suis bien dans ma nébuleuse et je pète le champagne au feu. Grandir dans la violence n'est pas un choix de vie morveux. On est les enfants de la déchéance, on en a tous subi les conséquences. Tu viens faire la morale au plus jeune, mais t'as vu ta gueule, mon vieux. Seul dans la nuit noire, figé devant le miroir. Les parures, le ruinard, les fourrures de renard. Les fous rires de monarque, la folie de mon art. Le clic-clic de mon arme, l'odeur du dollar. Triangle d'or pur sur le torse, fume la wax. En I comme Dino Solo ou c'est ma wax. Y'a les babiers qui défoncent ma porte au bélier. Je me trouve derrière le guet de la voisine de palier. Prends ton argent cabron, sort la Bentley Azur. Sous un ciel étoilé, soigne tes meurtrissures. Prie pour Dieu, nous pardonne, mon sternum se fissure. Plus la peine de parler, ressens les blessures. J'suis avec ma nigga champagne. Oh. Lors des rois. On distribue les salaires et les châtaignes. Demain disponible. Oh. Tu veux que je rentre en Algérie, je baisse ta mère dans le charter. Oh. Petit éloigne-toi, je tape dans les trentenaires. J'essaie de m'approcher sans faire fuir le livre. Je suis avec ma nigga champagne. Brutalité, tu mental, boum et bien. On distribue les salaires et les châtaignes. Ton cadavre à la tyrolienne. Tu veux que je rentre en Algérie, je baisse ta mère dans le charter. J'ai crié ta ISP pour qu'elle revienne. Petit éloigne-toi, je tape dans les trentenaires. J'essaie de m'approcher sans faire fuir le lièvre. This is a Dreamcast production. L'Or des Rois, l'album sort demain. Ice LMC qu'on retrouvera, on l'espère, demain en direct dans l'émission entre 20 et 21. Ce soir, le XV Barbare est là avec nous. Morceau inédit du XV Barbare qui arrive dans un instant. Un morceau qui s'appelle Machiavelli. Machiavelli. Ça, c'est extrait du projet du XV Barbare qui est en cours en ce moment. On en est où d'ailleurs? Bientôt fini? Non, Machiavelli, c'est pour le projet de Crâne Max. Qui est là aussi, qui fait partie qui est de l'équipe. Qui est là aussi, qui fait partie de l'équipe, qui fait partie de la zone. Son projet arrive, lui aussi très très lourd. Pareil que le nôtre, tu vois, mais c'est la même. De Skyrock. Ça va? Ouais, ouais. Et bah, petite présentation, petit CV Express, vas-y. Bah, écoute, je m'appelle Crâne Mag, je viens du 17. Tiens, mets bien le casque. Ouais. Voilà, parfait. Ouais, je t'ai dit, je m'appelle Crâne Mag, je viens du 17. Voilà quoi, la Jonquière, Porte de Saint-Ouen, La Fourche, Gauthier, on est là, on représente toujours. Aïe. Là, on sort un petit truc, là, Inch'Allah. Donc c'est quand? C'est bientôt avant la fin de l'année? C'est bientôt avant la fin de l'année, ouais. Bah là, on va faire une petite exclu, Machiavelli avec le XV. Quoi, pouvoir découvrir d'ici quelques minutes. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Et bah, bougez pas dans un instant. Et puis, ouais, un petit mot aussi sur le projet du XV Barbare. Donc, vous en êtes où concrètement là? C'est plutôt là, la fin, plutôt. Je préfère vous laisser dans le brouillard un peu, tu vois. Je préfère. On y est en même temps, soir. Hein, ouais, on y est. On y est. Ah ouais. Bah non, en fait, le truc, tout ce que je peux vous dire, c'est que ça avance très très lourd, tu vois. C'est qu'on a passé un cap, que c'est pas pareil que ce qu'on a fait Insta Animal, tu vois, ce qu'on a fait auparavant. Mm-hmm. Là, il y a eu de l'évolution, c'est plus professionnel, c'est plus carré, tu vois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant, c'était. Ça veut dire que. Non, avant, c'est. Trop voilà, énervé, trop voilà, freestyle. C'était, non, c'était énervé, c'était en gros, c'est ce qui nous a permis d'avancer dans la musique, tu vois ce que je veux dire, c'est faire vraiment ce qu'on aime, tu vois. Maintenant on fait toujours ce qu'on aime, mais voilà, c'est plus carré, c'est plus il y a une direction, on va dire. Maintenant il y a une direction et voilà, le projet il va être super lourd. Voilà. Bon, ça se prépare en tout cas. Pour le XV Barbare. Dans un instant, donc un titre inédit à découvrir. On fera aussi tourner la roulette tout à l'heure avec des places pour aller voir Maître Gims en tournée dans toute la France. Maître Gims qu'on retrouve d'ailleurs sur le projet L'Or des Rois avec un morceau qui s'appelle Au cœur de Lutèce. Et on vous balancera aussi dans quelques minutes, juste après la pub, le titre Walking Dead XV Barbare avec PSO Tug qui est présent aussi. C'est dans un instant, ne bougez pas, le retour de Planète Rap entre 20h et 21h et vos messages aussi avec le hashtag IceLMC sur Skyrock. Bougez pas, on revient après ça. C'est l'émission rap de référence. Planet 20h-21h. Ladies and gentlemen, ce soir, Planet Rap. IceLMC. Walking Dead maintenant, le XV Barbare, PSO Tug. C'est extrait de l'album qui sort demain d'IceLMC dans Planet Rap. Yeah, yeah, yeah. Walking Dead, t'es mort, t'es dead. Si, si. Ima et Comax, Sera, India dans le Tokyo Walk, ils ont vite à Walking Dead, Sophie, t'es en Walking. Local Latine, la couleur, manque à moi, comme moi, la taupe. C'est moi, tu pilotes la navette, pose pas ton cul, manque. Graphe au greffier, la loi n'aime pas les pommades. Les pneus crissent, la bac arrive sur les lieux comme une tornade. Arrête un peu de faire péter. La roue peut tourner, tu perds ton raté, tu béton, tu tronches les angles en promenade. Pareil, tu parles sur WAP. Espèce de grande pute, je vends mec des vérités, tu donnes des leçons de fête. Je t'accorde une photo, mais ne crois pas que ça sent le fit. On se ressemble pas, t'as fait le même parcours que moi, mais sans le fit. C'est comme que j'ai signé le pacte avec le danger. Rien à faire pour toi, même si tu signais, tu serais haché. Je viens de la fourche comme la clique, je mets du Versace. Mon téléphone arabe est plus puissant que la 4G. Ils le savent qui détient la fraîche. Les zombies me cherchent. Alors dog et dog, pareil que ma pauvre chère. Peu importe quelle sera la situation, t'inquiète, je gère. Prenez pas la peine, donnez-moi la peine sombre. Et votre avenir, là faudrait mettre les choses au clair. Tu me croyais fou? Alors Galilée, crois-moi que le cul de cette pierre, tu t'es bien rond. Parlez-moi de souffle. Fuck it, validé. Moi dans mon gabacirou, hashtag tout est bon. Dans ma tête, c'est Walking Dead. Walking Dead, Walking Dead. Quand je me réveille le matin défoncé. Lors des rois, 4 septembre. Ouais, ouais, ouais. Suis-moi dans le parking, baby. Là, je vais te montrer la dépouille du rap français. Le buteur Copolo se fait la passe. Belek Alahanou, c'est la base. Gino Lico sort le Famas. Et le pot d'échappement sort du Kamas. Mets-toi, position anal. Ils te l'ont mis, chez que t'as mal. Suceur. Hek et Bendé sont niqués. Te prennent le 6-35 après ton qui se fait à mal. Paris, ça m'agère. Wow, ouais. Tous les tests depuis longtemps, d'autres pour cela que c'est glacé dans ma chair. Montrez-moi les gros chèques et les montants. A que truc pas cher. Lors des rois. Le style est nickel, je serai pas là ce week-end. 4 septembre. Brasse dans la merde comme la marine. La rue plus africaine dans ta narine. Reste sauvage comme le AK. Je mise à carreau dans le placard. À l'est comme Ragna dans le Dakar. Paris se bat bien de Dakar. Flow aiguisé c'est la punition. PSO Tug c'est la finition. WA c'est sa saison. Viscère les zombies c'est la mission. Pour t'allumer j'ai mon étincelle. Elle tourne la taupe c'est Rick Tincelle. Y'a Jack et le Mel. Les bandits et les chefs. Il a Abdel Younes donc on sort la machette. C'est le jour de paye toi t'es en crise. T'aider ou notre entreprise. C'est Pénéline Gamilet. 22h la 5ème taille. On tient de mon gaz avec des poutres au vacances. On va vous brûler chez nous tous les jours c'est Walking Dead. Lors des rois. Walking Dead c'est mon AA. Toi tu ne rates aucune dette. 4 septembre. X peut pas par Walking Dead. PSO tu Walking Dead. Triangle de Walking Dead. Rien en se battait contre la pute. Walking Dead. J'ai mes zombies à tes points à midi. Si ta bitch me demande, dis-lui j'suis toujours ici. Ma taille des laquettes plate tous les jours. Amarama les poissons comme si j'étais un fou. Pourquoi tu fais le thug? En plus ton daron c'est un keuf. Mon pote a déjà baisé ta meuf. Tu ferais mieux de redonner tes seufs. J'suis pas la baie. Et j'vais péter mon millefeuille. Dans la détente, prends comme ma gauche de Winston. Ce zombie n'a pas de faiblesse. En effet, mon épée s'embrochait dans sa tête. Je me demande quel effet ça lui fait. Bang, bang, bang. Dans mon check, c'est Walking Dead. Je te jette, te traque, ça le traître. Le côté obscur nous dévore. Ces zombies veulent encore un petit bout de ma mort. Dans le manoir, j'effectue la cuisson. L'allée, la partition, y'a mon globe qui m'encombre. Ton cauchemar débute à partir du moment où tu me dois des sous. Non, sous la ceinture, si tu fais un faux pas, j'hésite pas. Je t'allume et je fête pendant qu'elle perd. Ralenti, on arrive, je baisse la vitre. Walking Dead, c'est mort, t'es dead. T'es mort, t'es dead. Rentre dans le corner, ta dose est prête. Ta dose est prête. Puis Fabrice Quat l'interrogant. Armé comme Daryl, les shérifs se mettent en garde. T'as sur ces zombies, donc je prends pas. Comme à des casques, on te prend, on te le rend pas. Pourquoi tu caches ta congonce? C'est pas les keufs, gros, c'est l'ambulance. Parle pas sur ma petite, comme un zombie avec ta soeur qui déambule. T'entends des sirènes, sois zen, c'est pas pour toi. C'est pas pour toi. L'escalade. Pendant que j'ai belle, sois zen, j'suis trop courtois. L'escalade. Cette bande de putes veut savoir ce qui se passe dans mon tien-car. Non. Moi j'veux prendre la maille, puis j'retourne, puis on s'est peinard. On a tous un truc en commun, on a besoin de Jean A. Jean A. Je dérive, je dérive, je dérive. C'est quoi ce putain de cauchemar? Écoute ce que je dis, moi je pèse mes mots. Je fuck des caries, c'est le A-Hero. Je rends pas les couilles de leur putain de flow. Numéro uno, 17 zo. Toi c'est pour ton kiff, et puis moi c'est pour Zay. Un trafic actif, ouais, il faut que tu te réveilles. Moi je me plains pas, négro, j'ai pas sommeil. Aéro, Aéro. Je demande avec des poutres en vacances, on va vous brûler chez nous tous les jours, c'est Walking, Walking Dead. Dead. Walking Dead. Walking Dead, c'est mon Walking Dead. Je ne rate aucune tête. X peut pas par Walking Dead. PS to Walking Dead. Triangle de Walking Dead. Rien en se battait contre la pute. Walking Dead. On s'en bat les couilles, t'as des positions. Sauf si tu jactes un interrogatoire. Il checker sous commission rogatoire. On va te la mettre dans toutes les positions. Près de flow, j'mette quand j'm'introduis. Toujours à l'heure du crime dès que j'déboule. Ne mens surtout pas sur la qualité du produit. Nous on roule la frappe, tu roules, tu boules. aïe aïe aïe. Cette salope roule du boule. Elle veut que je lui mets profond, profond. Dans sa queue, je ne négro. Il faut surtout pas confondre. C'est Jack, mais c'est Ice Slam. Jack, le 4, tu te la manges profonde dans les bacs, négro. Trop mes zombies dans les croissants. Non, j'suis dans la cuisine, j'taffe le gag. Crac, mes négro autour de moi, mes négro pète un câble, pète un câble. Autour de moi, mes négro pète un câble, négro. Autour de moi, mes négro pète un câble, négro. J'préfère prévenir que guérir. Prévenir que guérir. Commettre que subir. Commettre que subir. L'oseille au schneck, le cash au chèque. T'as capté ce que j'veux dire. T'as capté ce que j'veux dire. Où j'veux en venir. Non, ne tente rien, je te verrai venir. Y'a des zombies, ça viscère le venin. On arrive à 20 pour t'ensevelir. J'opère au peupon pour les scalper. Non, Léo katana pour les estropier. J'arrive à la légende écartée. T'as affaire au barbare le plus bourbier. Lion vouloir stranguler le courtier. On est des légendes pour les gars de ton quartier. Lion vouloir stranguler le courtier. On est des légendes pour les gars de ton quartier. Skelet, chuchote à l'oreille, l'orgueil des pouces à me boycotter. Je les vois courir après l'oseille, mais ils n'ont aucun point côté. Fais pas le gros zizak, ta porte est blindée. Le jour de ma mort, mes ennemis vont trinquer. Terrain glissant, trop tard, pire qu'on éché. Je viens de là où les gros poissons cessent de pêcher. Walking dead, mes ennemis sont dans le king par. Les concurrents sont décapités. J'ai dans la zipette, pendant que je compare à cité. Pour avoir visé au moins 6 dead. Walking dead, Walking dead, on laissera battre pour capter à temps nos parasités. Walking dead, Walking dead, on a sorti le cycle puis que tu parasites. Viens dans mon 17 avec des poutres de vacances, on va vous brûler chez nous tous les jours. C'est Walking dead, Walking dead, Walking dead, c'est mon AA dread. Je ne rate aucune dead. Amen. Et ce papa Walking dead, PS to Walking dead. Bang bang bang. Triangle de Walking Dead, alors s'augmenter contre la putain. Si je te sers la main, je vais recompter mes doigts rappeurs. Je connais tous mes droits rappeurs, tu connais tous les biens. J'ai forcément talent sur des mélodies très anciennes. Fémis, mélaconisme, latin se mélange à ma voix. Puis quand je vois ce qui est devenu le purage, pisse la rage. Fils à papa veut s'accaparer ma part du gâteau. J'ai trop souffert dans la street pour pas t'enculer ta race. Pareil que tu rases les murs en passant dans mon ghetto. Ça fait longtemps que c'est à mon air, demande en grande âme. Ils mettent tellement de vos côtés en direct qu'ils sont comme ça. J'grimpe l'arbre de l'arbre brut d'un espèce d'homme sage. Et j'hérite l'Algérie, pareil sur les dorsaux. Le teint, Mossad, les cernes, violettes, il y a longtemps que je n'ai pas dormi. Walking dead. Dead. Zombie aux armes, j'ai l'arbalète de Daryl et le magnum de Rick. Walking dead, je ne rate aucune tête. Mon 17 c'est de Walking dead, j'en ensanglanté contre la putain. Walking dead, ton équipe est distraite. Tu te demandes encore si le crime pète. C'est Mister Bow Wow Wow, you pay on the beat. Y'a plus de 6 mois d'insomnie, zombie on zombie. Je me sens cuisson d'Iac, j'monte dans un Cadillac. Shimaïe, j'allume au Jimmy, au Jimmy. J'suis dans ma suite, je joue au docteur avec Tabata. Pilon du riff, on s'en fout du Tagata. Allez, bouge, mange gros cuillère, patata. Fais-le pour bloquer à Babson, les Vegas, son car plat. Me parle pas, t'as pas grandi dans le zoo. J'ai mis la salle à la parachute dans la sacoche Kenzo. Lors des rois, sorti aussi bien, je vais partir en encore avec les pires. Ce fils de pute, mon jeu, t'es dans le dos. J'appelle tes rappeurs Django, MS17, yes. Viens pas m'emmerder, moi, j'suis pas dans la jet set. MC's énervé, j'te rafale comme RD. Mon micro m'est fidèle comme le ton carré va jet, yes. Lors des rois, 4 septembre. Libérez Vegas, libérez Vegas, libérez Vegas. Dino, yeah. On est pour les gars ensemble. L'Ordre des Rois, 4 septembre. Dédicace à Kenza. C'est demain la sortie de L'Ordre des Rois et peut-être demain la sortie aussi pour Ice MC. On l'espère en tout cas entre 20h et 21h. Si vous n'étiez pas là il y a quelques minutes, Ice MC est toujours en garde à vue. Elle a été reconduite, cette garde à vue, depuis hier. Il est en garde à vue, donc elle a été reconduite de 24h. On avait son avocate qui s'est exprimée. La vidéo de l'avocate, elle est dispo hein, sur le skyrock.fm également. Si vous voulez retrouver cette interview il y a quelques minutes de cela. Dans un instant, il y aura un morceau, un titre inédit. Inédit, Machiavelli, comme promis. Ça arrive dans un instant. Juste avant, je vous présente Kéfir de Saint-Etienne. Kéfir, comment ça va mon pote? Yo Frédérico, ça va? Ça faisait un petit moment Kéfir que je n'avais pas entendu ta voix. Moi aussi, ça faisait un moment d'ailleurs, belle vacances hein. Ouais, c'était bon hein. Ah ouais, je pense aussi que t'as passé de belles vacances aussi avec les animaux. De quels animaux parles-tu Kéfir? Bah je te suis un peu sur les réseaux sociaux, donc je vois un peu près ce que tu postes. Tu as vu les bêtes avec qui j'étais durant l'été, merci Kéfir. Des fans toi aussi Fred. Pardon? Des fans toi aussi. Ah bah Kéfir, ouais, numéro 1. Là, je te présente le XV Barbare avec nous Kéfir. Yes, yes, yes, bah je connais pas tout le monde, mais à mon avis ça va être du bon, parce que s'ils sont dans le giron de Ice MC, Ice MC c'est un MC très technique. J'ai pu écouter les sons et franchement il a un flow bien bon. Après voilà, il a quelques soucis, mais bon c'est pas grave, il perdra pas son flow, au contraire, écoute, je pense qu'il est en train de le travailler là. Et bah écoute, on espère surtout le retrouver demain entre 20h et 21h dans l'émission. Et on tiendra évidemment au courant sur Skyrock. Et toi on t'écoutera pas Kéfir, c'est parti. Yes, je vais essayer. Premier freestyle de la saison pour toi. Yes, premier. 2015-2016, on t'écoute. Yeah. Ok. Yo, je suis conscient quand je te dis que je fais du rap, qu'est-ce que c'est d'élever niveau. Toi tu te représentes un wesh wesh décérébré qui vaut zéro sur ton échelle socio-culturelle, que son avenir ne vaut pas très cher, même pas le tarot d'un bécherel. Moi je pars avec un handicap à tes yeux, mes origines. En plus monsieur fait du rap et cette musique t'horripile. Oui je m'automutile et je reste dans cette complainte auditive. Tout est contre un tentative, sont pour nous plutôt utiles. A, parce qu'on apprend à battre tous tes clichés. B, parce qu'on apprend à berner tes façons de tricher. Elles sont multiples, je les identifie grâce aux années. Pour toi je suis un basané avec une carte de résident ici. Tu nous invectives, t'es qui toi, tu crois que t'es futé, tu le vois. Tu sais rien faire, t'es dit, hormis te dénuder. Tu ne vaux pas plus que moi, et les problèmes, c'est toi qui les crée. Au fait, le singe a pas que plus droit. Yo, si on lutte, c'est pas pour un bolide aux jambes chromées. La vie n'a pas de prix, la mort a pris trop de gens, je connais. Y'a que des traîtres, très sages, te le promets. Trop petit bonnet, va pas de fond dans la masse comme un pickpocket dans le trône. Tombé dans le piège du rap pour ceux qui ont crucifié. On n'a pas de compte à rendre, mais faut constamment qu'on se justifie. C'est pas normal, trop de stupidité. Je n'attends rien du rap, comme ça, tu peux pas douter de mon humilité. Je supporte plus personne. Alors je me coupe du monde. Bien moins de neurones dans leur stylo que sous la coupe d'une blonde. T'en auras pour une plombe si tu veux voir tomber ceux qui veulent te dominer. Trop tard ils ont déjà peut-être contaminé l'eau du robinet. Viens pas m'embobiner comme une cassette VHS. Si t'as pas de principe, gars t'es à chier THS. Pour les derniers bons auditeurs qui sont à l'écoute, j'suis pas drôle et j'suis pas drôle. Le succès ne sent pas mes coups, tu m'as bien compris. KFYR, yo. Même s'il y a pas Ice MC, j'ai dit qu'à ce thème si à Mathilde et mon futur beau-frère Alexis. Même s'il y a pas Ice MC, j'ai dit qu'à ce thème si à Mathilde et mon futur beau-frère Alexis. Yeah. Yes, Kefir. Bah écoute, tu féliciteras aussi Alexis, hein, de notre part. Yes, Alexis, dédicace à lui, futur numéro 10 de l'équipe de France, c'est un tueur. Eh bah terrible, on l'attend. Merci à toi en tout cas, Kefir. On te retrouve sur le net, toujours pareil pour l'instant. Yes, KEFYR, allez checker, il y a des clips, des machins sur les réseaux sociaux, c'est KEFYR, voilà. Merci à toi, Kefir. Bonne chance, et à XM6, tu m'écoutes, bonne chance à toi, frérot. Je suis pas sûr qu'il soit totalement à l'écoute en ce moment. En garde à vue, je sais pas, je connais pas bien, moi. Il doit écouter une autre fréquence en ce moment. Ils vont lui donner la radio, t'inquiète, ils vont me laisser. Ses potos enregistrent pour lui, je suis sûr. Voilà, en tout cas, il y a le XV Barbar ce soir. On te remercie, Kefir, à bientôt. Ciao, mon pote. À plus tard, ciao. Ciao, le Planète Rap, Ice MC, Lord des Rois, l'album sort demain. Et on est promis d'aucun titre inédit, messieurs, qu'on va écouter maintenant. Il est prêt le morceau, on peut le balancer? Le morceau qui s'appelle Machiavelli, allons-y. C'est bien ça? C'est un extrait de ton projet. Allons-y. C'est mon projet, ouais, projet de Crâne Max, là, bientôt dans les bacs. Max, XV bébé. C'est la gym, focus fait net ou renforcer l'argile. Sans le faire qu'on pilote, arrogant dans mon zoo, les 4 saisons pilote. J'suis comme à la maison, tu sens ta pendaison qui va pas trop tarder. Écoutant l'admission, consomme ma drogue pour émotionnellement trop tarder. Un gros plein dans la barque, mon corps est dans la barque, la recette dans ma poche. J'ai 2 mois sur écoute, j'fuck les keufs sur mes côtes, modèle focus dégoûte. Laisse ta place quand j'rentre, bouche, j'suis trop ZRF. Mon cœur des bris, des rouges comme le CRM. Obi-Wan Kenobi, Machiavelli, bro, sont en Kabili. J'me roule un spliff avec très peu tabac. Sans courir, j'me paye la retraite que t'as pas. Zéro défaite malgré plusieurs combats. Je Alger par Marco Dakar et Rabat. Mon ego m'a rendu Machiavelli. La mémoire dans la peau d'humeur mélancolique. Quand t'arrives en Merco, tu repars en Vélib. Moi j'arrive en métro, je repars en Vélib. J'ai les plus sur terre quand t'as la tête ailleurs. J'marche avec l'opinel du détailleur. J'ai même plus combien j'ai de barrettes dans le chargeur. J'ai même oublié qui j'ai visé tout à l'heure. Parti d'en bas, j'ai vite les pelles plongées. Mes souvenirs sont vagues, plus d'une fois j'ai plongé. Chacune de mes gardes avait prolongé toutes les boucheries quand t'as rien à manger. Machiavelli, Machiavelli, Machiavelli, Machiavelli, Machiavelli, Machiavelli, Machiavelli, Machiavelli, Machiavelli, Machiavelli, jusqu'à pas d'heure, 4 septembre, majeur en l'air, sans que les pupilles et pas que les inspecteurs, lors des rouges, c'est quelques guetteurs, à des capis, passons pas loin dans le secteur, on fait plus de blé que ton agriculteur, dans les ouais. Outamaoui, négro t'es mort, Machiavelli, Machiavelli, comme le bruit de mon art, hey, j'ai volé, ouais. Dans mon temps, le tien est révolu depuis longtemps, hey. Ils te diront que la bine fait pas loin, moi je t'assure que l'apparence a son importance. Jugé au premier regard, on est constamment constaté, tous mes négros ont le seul. De ne pas être un tec, tu as tout d'une pute. Contrairement à toi, pour des yébis, je n'ai jamais baissé mon cul. C'est ma foi qui justifie mes actes et la dalle qui m'a rendu Machiavelli. Oui, Machiavélique comme la Audi couche qui me laisse dans un état cadavérique. Tout ce que je te dis est véridique. Si tu t'es fait fumer, c'est qu'il mérite. T'as capté pour toi, l'issue sera fatidique. Grosse pute, septembre. Pourquoi tu paniques? La Faut que je me calme, faut que je me calme. Machiavélique sans mes pensées. Mais trop tard, mais trop tard. Quand t'écoutes mes démons t'ambiancer. Quand t'écoutes mes démons t'ambiancer. Je suis chancé, scalèche. Par les histoires, les enchantés. Scalèche. Machiavé, Machiavé, Machiavé, Machiavélique. Pour mes frères, je t'enterre. Macavelli, Lors des rois, 4 septembre, disponible. Sketch. Machiavelli. Pour mes frères, je t'enterre. Machiavelli. Machiavelli, disponible. Machiavelli. Vegas, Loca, Sopac, Pico, Gino, Pico, Sopac. Pour ça vous les gars. Voilà donc ce morceau, ce titre inédit qui s'appelle Machiavelli. Tout le monde go et qu'on va pouvoir retrouver bientôt aussi, pareil. Aïe aïe aïe. Sur le projet de Crânmax là, bientôt disponible. Tapez Crânmax sur YouTube là, il y a déjà la première sommation là. Première sommation en attendant la deuxième les gars. En attendant la deuxième avec le XV Barbare qu'on écoutait à l'instant. Crânmax, XV Barbare dans le Planet Rap d'Ice MC. Avant de se quitter, avant de faire tourner la roulette dans un instant, 41-759, on va finir avec des sons de l'Ordre des Rois d'Ice MC. Et bien justement, le morceau qui ouvre l'album qui s'appelle L'Ordre des Rois, c'est tout de suite sur Skyrock. C'est parti. 4 septembre, c'est demain dans les bacs. Aïe aïe aïe. C'est le triangle d'or, le carrefour des drogues dures du monde entier. 4 septembre, chapitre 1, L'Ordre des Rois. Nous commençons le rythme des barbares avec 10 et Inno, jeunes et fous, nous étions sous une pluie des plus battantes au cœur du boulevard sans vergogne. Des coups de crosse et de coups de nous mettions. Mon métier c'est la rue, salarié depuis bambin. Envie de porter du zili, du lambin. Carpe diem, on veut des lovés sans lendemain. Demain c'est loin gars, ours polaire de la banque qui se vissère les pingouins. Elle sait que je fais du blégué, elle veut mon pingouin. Regarde-moi bien gars, demande au frère allume, je t'allume, tu t'éteins. Bitch pour toi l'amour n'est qu'un chiffre. Snitch pour toi l'honneur n'est qu'un mot. Avec ou sans shit, les mots fusent dans ma tête au rythme du piano. J'suis mineur, j'fais des liasses avec Niax, Mbi, Papa, Dakamel et Nas. Y'a pas d'heure pour brasser, y'a pas d'âge pour les brasses, les rusés, mais hélas. Pris dans la mélasse, la juge nous menace. Y'a pas d'heure pour brasser, y'a pas d'âge pour les brasses, les rusés, mais hélas. Oui, des cocaïnes, j'voulais des filles coquettes. Un soir, j'fais trembler les murs de ta ville en compète. Loin des cocktails, j'voulais brûler le top 10. J'dérangeais les rageux, j'n'avais peur de son père. J'parlais du game comme si j'étais son père. J'ai pas attendu le rap pour sabrer le dumper. Soulever des bastos, piétiner les hardcores, titoler des gamos, bronzer sur le corner. Dans la rue, j'ai vécu, j'ai dû apprendre et rendre des coups. La batte mobile au cul, j'ai failli, j'ai échoué, pas toujours pris des sous. Esclave du capitalisme, à l'affût de Tom Ford, de toute forme de confort. La fauche star sur sa liste et ton cercueil est trop petit pour ton coffre fort. Polyglotte armé d'un P4, de C4 pour mes frères au D4. Va s'y tire si t'es cap, n'oublie pas que mes erreurs sont le reflet de mes armes. J'ai filoche par les RG, mon oseille j'suis allé chercher. Tu voulais produire qu'était le barjo. J'suis pas ta poule aux pas berger. Bienvenue dans ma dynastie. M'en voulais pas si j'ai trop d'aspi. De lusty, trop de spi, les has-been se racir. Moi, dans des piches on m'appelle racir. Toi, tu m'observes d'un air oisif. D'un air oisif. Dire qu'avant c'était qu'un loisir. Maintenant elles me veulent toutes, hashtag rock voisine. J'suis de retour dans le game, bitch. Bitch. L'oiseau de nuit vole de ses propres ailes. Ah, j'suis de retour dans le game, bitch. L'oiseau de nuit vole de ses propres ailes. J'vous baisse. Pyramide. X de barbarie. X de Bagdad, enfoiré. Libéré Dino. L'Ordre des Rois, c'est l'album qui sort demain. Ice MC qu'on espère retrouver en direct demain dans l'émission entre 20h et 21h. Et avant de se quitter, avant de faire tourner la roulette, est-ce qu'on se fait un petit freestyle rapide, les gars? Allez, direct. Est-ce que allez, vous êtes chaud ou pas? C'est parti pour le freestyle. District 75017, la fourche, la tour, la J, triangle d'or. Écoute ça, 75017, on est tous là. District et on est tous là ce soir, on va vous mettre le feu. Écoutez bien. Le meilleur rap duel, le meilleur rap de France, il vient du XV2. Écoute ça, ma gueule. Allez, c'est parti. Parti maintenant sur Skyrock, session freestyle, avec toujours vos hashtags aussi, IceMC sur Skyrock, et puis vous pouvez mater l'émission sur le skyrock.fm, sur l'appli Skyrock, on y va. Ok, c'est district, je repars. Check, check. Je balance un texte classique, c'est disque qui passe en pratique. Parce que trop de putain de chic qui comme zan, du rap ignore ma bite. Tandis que j'agite ma plume et gifle le mic. Tu sens que ça part à l'attaque avec des gifs qui claquent, c'est le style. 17-5-0-1-7 et les bails sont trop en fait. La maille on guette comme des vautours de chemin avec rien dans le bec. Dans tous les checks, ça faisait permettre des îles et des minettes. Travailler la ville, fait des pépés, on part de bête, ma jet. Check, ça si tu vas saler ta 400 mètres, que ça la casse. Mon son sera plus épais, tu veux qu'on check ta seuil, sans ça se blesse. T'es raté, laisse blast les pestes qui casse le deck. Les faces bêtes et là se jette en scène de grave, mec. T'es pas du 17 en place pour mettre au mic des sales steaks. C'est 17-10, match le 17 sur le mic des Paris. T'es clair de la vie qui pèse, tous ces bitches qui private. Ouais, c'est à qui là, gros? Allez, crâne max, mon père, check. Mon gars crâne. Je reste un enfant du désert comme Gara. Malikir, séminal, remplace ton mascara. Si tu me dois de l'OV, négro, tu casqueras. Au plomb, peut toujours transpercer ton casque-caraille. À part t'enflammer, tu ne feras pas long feu. Ma réussite fera beaucoup d'envieux. Je prépare ton bête, Marine Le Pen. Tu n'adores que d'années comme Jean-Marie Le Pen. Père qui s'est découpé, c'est la même durant la neige. Attends, c'est calme. Parti de rien, le moral à zéro. La vie des miens, les revenus sous ses lots. Enfermé, je faisais des concerts à huis clos. Rêvant de devenir le prince de ma ville comme éclos. Mon père n'a pas la même couleur que l'eau. Le cœur sur la main, la mémoire dans la peau. Je revois maman qui s'effondre au parloir et puis je revois la haine dans le regard de mon cou. C'est calme. Check, check. Ma vie a commencé à Oran, au port de la mer. Jusqu'à que ma daronne monte en France en pensant bien faire. Je grandis à Paris, mais le souci, mec, c'est que je n'ai pas de père. Je fais des tas de conneries et la police vient me chercher. À 15 piges, tout va très vite, là je prends grave vous à la tif. Je m'arrête plus, je finis même par voler des tailles pour le kiff. J'essaie d'oublier le passé, car si je craque, un jour c'est chum. Quand je repense car si pige, à moi d'elle, on m'a planté dans les bunches. Je veux soulager mon seum alors je fume des wines de skunk. Car si je faisais autre chose, c'est ma mère qui ferait mon deuil. Yeah! That's right, Mike. Dans l'audi A3, boucle la machine. Quand tu imagines des os dans montagine, y'a le cheval de Troie, le talon d'Achille, on est tous les derniers, d'autres c'est un peu fragile. Trop ménagé, refoulagé. Check mes mamans ne voudra pas lâcher dans le ramenage. Rien d'avis renouvelable, tenu, laissez-moi ta camouflable. Apparemment, je suis présumé coupable, pénalisé tout par ma balle, coup cassé. Pas trop les couilles, soit que tu mouilles ton vote qui gagne ou qu'un dans ta tête de vagin. Mais quand plus fallait, elle ne veut se fâcher. Yeah. Je veux ce qu'on a pas dans le sachet. Yeah. Aïe, écoutez, un change de prod. Écoute ça mon gars, ça vient du 17 ans. Faut qu'être mes crasses, je reste dans ma bulle. Le pilote est grave, faut pas que le couteau brûle. Aussitôt les ordres rédigés, tous les travaux sont érigés. Tu séries à tes séries, j'ai obligé de calacher pour pouvoir diriger. T'as croisé les watts, j'ai croisé les keufs. Te souviens-tu de one, mets-toi devant le miroir, tu fais un acteur de ma tête. Direction PSO, faut change le bigo, de SV1, ta voiture, ramasse des mégots. Non, je suis pas docteur, mais je peux guérir ton flow. Plus fort que ta médaille que des combats à huis clos. Is the barbare. Ice MC, lors des rois, 4 septembre. Dans mon verre de la tisse, tu au miel, tu t'es grise. Elle se bat, veut mon bif, elle n'aura que ma bite. Qu'il y en a de la peur, la no-rack est sortie. Roule un joint, fume un cup, fais la passe à le vif. Et je traîne dans la rue comme un... Au revoir. 1. Chebeski, c'est bébé. 1. Ok. dans mon verre de la tisse, je suis au miel, tu dérives. Cette chaudasse de mon fil, elle n'aura que ma bite. Il y en a de la fête, la norade est sortie. Pour la joint, fume un cœur, fais la passe à le cul. Et je reste dans la rue, comme un vampire, je ne vois que la lune. Dans mon empire, ça vend de la pure, sur le trottoir pour si j'ai la pute. Transaction donc Rodave et la puce, peu importe, on en veut toujours plus. Ramène la lune et les fans des billets sous les draps volent. Vois des kills et des grammes. XV bang bang. Change d'instru, change d'instru. Ouais, il a mes instru lourd. Oh là là là là là là là là là là. Qu'est-ce qu'il nous a mis là, ça va faire mal. Écoutez ça mesdames et messieurs, là ça va faire mal. 75-017, PS au thug, XV barbare, Ice MC, ce soir on met le feu. Ah. Ah. Ah. Ah. Ok. Pas d'art très sombre, ah. Et puis j'ai comme l'impression que quand tu fumes la skunk, prends ton penche-toi et puis tu prends ta pression. Ta pression, en écoutant la non son, je pense que ta bitch rêve que nous la baisons. Yo, je suis sur le corner, moi et mes gars, nous nous plaisons. Yo, appel manqué de plusieurs cargaisons. Ma bitch Marcel redora la maison. Jack Mess. Ok, yo, district, check, check, check, ok. Yeah, yeah, yeah. Paris va baiser ton game. Effacer ses fils de putain, prendre le trône, ouais. Yo. C'est le time de te démontrer que t'as rien de gay. Ferme ta gueule, mec, on sait que t'es qu'un bête de gay. Ça ne sème car, dans ma vie, je me meilleur. Jean Art, savent que t'aimerais bien mettre. J'en ai marre, mec, t'as jamais de cigarette. Tu me taxes, en plus, tu fais le mec. Yeah, on est que c'était en hesse. C'est pas compliqué, faut te servir de tes coronettes. Je galère depuis toujours, que t'as remis tes textes. Je m'appelle Tissam et de la force, je suis revenu les wets. Ouais, là, je suis revenu les wets. Et ça, l'homme savent que je vais voler la vedette, donc ils ont rave. Que je fasse des feats avec velette comme Wam. Mais pas comprendre que c'est mon avril taf. C'est 17-10 mars, le 17, sur le mic, c'est Paris. T'es clair de la zik qui pèse. Tous ces putains de bitches qui pressent. Dans l'audi à 3, boost la machine. Toi t'imagines tes os dans mon tagine. Y'a le cheval de Troie, le talon d'Achille. On est tous faits d'argile, donc un peu tous fragiles. Trop ménagé, grand foulagé. Check mes barbares, ne voudront pas te lâcher. Le rap emménagé, garde à vue renouvelable. Tenue, vestimentaire camouflable. Apparemment je suis présumé coupable. Pénalisé tout pas, je m'en bats les couilles cassées. Pas trop les couilles. Je vois que tu mouilles ton vote qui gargouille. Garde en tâche, n'est que le vingé. Mon gars pisse pas, la lionne va se fâcher. Je baisse qui en a pas que dans le sachet. Dans la merde j'ai nagé. Fume un gros pète et qu'on passe le compète. Le goudron arraché, négro. Sur le fait, la jacta est mise en fait. Non, non, non, me suce. Cette bitch me suce tout simplement parce que je suis prêt. Trop nerveux, comme je fais le jean. Trop nerveux, trop nerveux. Ces poulettes soient pas un appétit. Le crâne, taffe le crâne. La bitch elle tient sur la bouteille de jam. La bouteille de jam. Gros j'ai les couilles vides mais le chargeur est plein. Mais le chargeur est plein. 9 milli, 6.35. Gros il en reste un. Ouais il en reste un. Des fois j'me sape en filet plein. En filet plein. Louis B, Gucci, ma garde robe est plein. Mon gars c'est Jack Mess. Pourtant j'te baisse. J'te baisse. Négro, négro, joue pas le rondo, le rondo. Négro, tu vas finir comme elle est. Glamé, glamé, glamé, glamé, glamé. Si tu me vois pas dans le bendo, dans le bendo, dans le bendo, c'est que je suis sur le corner, sur le corner, sur le corner. Tu fumes des trucs bizarres, des trucs bizarres, des trucs chelous. La mienne est sort même dans le blizzard, même dans le blizzard, mon négro. Comme un Seymour, comme un Seymour mon négro. Si tu veux pas que je démarre, si tu veux pas, pas. XV. Aïe aïe aïe. Le live à l'instant dans Planète Rap, XV Barbare. Merci à vous en tout cas d'être passé ce soir dans l'émission. Si, si, si, si. Merci à vous tous. Et on espère surtout retrouver demain Ice MC au micro de Planète Rap. D'ailleurs, on vous tiendra au courant demain aussi. Parce que normalement, demain, il doit être du côté de Lyon. Donc, on espère qu'il sera sorti pour aller à Lyon. Il doit faire une séance dédicace aussi samedi du côté du 17e. Et juste avant de se quitter, on fait tourner rapidement la roulette. C'est parti. Gagne une première place de concert pour voir Maître Gims près de chez toi. Sandra de Marmande, comment ça va Sandra dans cette émission mouvementée? Ça va en pleine forme? Ouais, nickel. Eh ben bienvenue, tu es prête à faire tourner la roulette? Je suis prête. Allez, on y va, dès que tu veux tu dis stop, il y a des places pour aller voir Gims en tournée dans toute la France. avec Skyrock, c'est à partir du 12 novembre, à pas louper. Waouh, en équipe Sandra, parfait. Sandra ? Ouais. Eh ben écoute, deux places pour aller voir Maître Gims, parfait. Ah merci, super. On se dit quoi, Bordeaux pour toi, c'est plus simple ? Ouais, Bordeaux. Eh ben 11 décembre à Bordeaux, deux places qui t'attendent. Ah mais merci, c'est super. Eh ben on te fait un bisou Sandra, passe une bonne soirée. Ouais, bisous Skyrock, merci. Ciao, ciao, bisous. Merci au XV Barbare ce soir. Merci à vous tous. Demain 4 septembre, lors des mois, à pas louper. Et le retour peut-être d'Ice MC au micro. Retour dans le rap français. Diffoul, tu es connecté? Oui, je suis connecté. Salut Fredo. Ça va? Ça va bien et toi? C'est quelques dédicaces que tu entends dans le fond. J'entends. Tu étais un peu seul ce soir, Fred. Ouais, non. Non, pas seul, non. Non, seul, c'est moins qu'on puisse dire, pas trop seul, non. Sans Ice MC, mais avec tout le monde derrière. Ouais, avec du monde ouais, ce soir dans le studio. Bon, et pour ceux qui viennent d'arriver, il est où Ice MC? Alors Ice MC est en garde à vue. On a eu son avocate tout à l'heure en ligne pour débuter l'émission. Donc évidemment elle ne peut pas communiquer sur le fond de l'affaire, donc, en fait, sur ce qui se passe. Tu as eu l'avocate pour qu'elle dise rien. Voilà. à part nous rassurer un petit peu quand même. Pour nous rassurer un petit peu et nous dire qu'il sera certainement là demain en direct dans l'émission. Très bien. Bon ben on le salue, Ice MC c'est lui hein. Millionnaire, c'est le morceau que vous entendez sur Skyrock. Et que vous retrouvez dans Planète Rap depuis lundi. On a écouté plein d'extraits de l'album aujourd'hui, c'était bien aussi. Ouais. Demain soir pour la suite du programme, soyez là. Si on a des nouvelles d'ici minuit, on vous dira aussi. Bien sûr. Sinon, Fred, tu nous dis tout demain, 20h-21h, pour le dernier Planète Rap de la semaine. À pas louper. Merci, Fredo. Ciao, ciao. Bon, et nous, on a du son pour vous. On a. Le standard est ouvert, ça y est, vous pouvez nous appeler. On a Maître Gims à écouter avec Longue Vie et Le Fa de la section d'assaut, des places de concert à vous filer tout à l'heure pour la tournée de Maître Gims. Et puis toute l'équipe qui est là. Bonjour, l'équipe. Bonsoir. On débarque dans un instant et vous pouvez nous appeler. Ça y est, c'est parti. 01 53 40 30 20. Vous déchirez tout si vous avez un truc à dire, si vous voulez faire les cons avec nous. Profitez-en, on aura le problème du mois. Il va se passer plein de choses ce soir. Et j'ai un petit défi pour l'équipe, on y revient. Ah, allez, c'est parti. Maître Gims, c'est Le Fa. À demain, Fredo. Ciao, à demain. Ciao. Depuis lundi, c'est déjà reparti.